Ok. Éminence de 006. DM Production. Ok. Étrange poésie quand la vie est trop speed. Beaucoup de frères s'assoient et n'ont plus le sens du rythme. Alors ils se cramponnent aux vices, s'abandonnent aussi vite aux artifices et s'abonnent à l'antéchrist. Vivre libre, comment se le dire lorsqu'il y a autant de chemin à prendre qu'une façon de mourir. Y'a les rails de coke pour s'éloigner et croire le temps d'un fly qui a pu chaîne au poignet. J'ai les thunes, sa conquête, les emmerdes qu'ils amènent. Allez, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. On se trompe d'adversaire, on évite le combat. Autant se pointer à la guerre, un bouquet de fleurs sous le bras. Y'a même la religion qui mal interprétée devient une ceinture autour d'un beat prêt à péter. Trop loin de la piété, c'est quoi le vrai combat? Je sais pas, mais je dirais que c'est pas se tirer une balle sur le pied. Grave, larmes, violent, grave, argent, sale, lève les bras. Soldat, si tu prends les armes, pas toi, mais te trompe pas de combat. Grave, larmes, violent, grave, argent, sale, lève les bras. Soldat, si tu prends les armes, pas toi, mais te trompe pas de combat. J'ai combat pour ma cause. Je vois une mare de sang, un corps d'adolescent gisant. Les jeunes se fixant, se disant mort violemment parce que pas du même quartier, pas du même camp. Se passe pour s'exterminer, fils d'étrangers, ça c'est dur de se battre juste pour exister. Liés comme le tronc et l'écorce, on assassine nos racines, donc on tue nos forces. Sans trop nous constat, loin des combats, crise de constat, on oublie trop souvent le vrai combat. Les gens sont à la rue, ça intéresse pas, on préfère mater des lobeurs qui chamaillent devant une caméra. On s'arrête aux choses futiles, cervelle en panne. La télé, une grosse carotte, on avance tous comme des ânes. Va dire à mes soldats de pas se tromper de valeur. Le vrai combat, c'est de rendre nos vies meilleures. Chop, grave, larmes, violent, grave, argent, sale, lève les bras. Sauf soldat, si tu prends les armes, bats-toi, mais te trompe pas de combat. Grave, larmes, violent, grave, argent, sale, lève les bras. Soldat, si tu prends les armes, bats-toi, mais te trompe pas de combat. Couleur ébène, source de mépris, et putain de raison haine de Le Pen, Jean-Marie. Foutre le bordel dans les manifs, haute barre, c'est voter ou encourager le FN sans le vouloir. J'ai troqué une barrette contre un livre, si on m'arrête ce sera le canon d'un calibre. Construire c'est mon but, j'ai des rêves plein les poches comme okay, une fin bien meilleure que le début. Rien ne sert de reprendre les murs, c'est les fondations. Son pourrit, on veut pas discours sans action. Pas de travail, famille très mal logée. On nous répond avec de l'insécurité. Et tous les jours, Sarko, monstre but, c'est pas nous apeurer, mais faciliter nos existences. On maquille les vrais problèmes par les faux, oublie le fond. Donc je rêvais mes soldats qui sont au front. Grave, larmes, violent, grave, argent, sale, lève les bras. Sous soldat, si tu prends les armes, pas toi, mais te trompe pas de combat. Grave, larmes, violent, grave, argent, sale, lève les bras. Sous soldat, si tu prends les armes, pas toi, mais te trompe pas de combat. Combattre nos valeurs, le matériel est éteint l'heure. Le vrai combat est ailleurs, l'unité pour rendre nos vies meilleures. Combattre les valeurs, le matériel est éteint l'heure. Le vrai combat est ailleurs, l'unité pour rendre nos vies meilleures.